Adrienne, c'est vous qui allez organiser la réunion du 25 septembre ? Ah non, je suis désolée Étienne. Je vais être en congé de maternité du 31 août au 15 décembre. Vous allez reprendre le travail le 15 décembre ? Non, je vais reprendre début janvier, après 2 semaines de vacances. Alors qui va organiser la réunion ? Aucune idée, mon cher Étienne.